228e nuit. La princesse Badour et le prince Kamaralzaman se levèrent le lendemain dès qu'il fut jour. Mais la princesse quitta l'habillement royal pour reprendre l'habit de femme, et lorsqu'elle fut habillée, elle envoya le chef des eunuques prier le roi Armanos, son beau-père, de prendre la peine de venir à son appartement. Quand le roi Armanos fut arrivé, sa surprise fut fort grande de voir une dame qui lui était inconnue, et le grand trésorier, à qui il n'appartenait pas d'entrer dans le palais intérieur, non plus qu'à aucun seigneur de la cour. En s'asseyant, il demanda où était le roi. « Sire, reprit la princesse, hier j'étais le roi, mais aujourd'hui je ne suis que princesse de la Chine, femme du véritable prince Kamaralzaman, fils véritable du roi Shahzaman. Si votre majesté veut bien se donner la patience d'entendre notre histoire, de l'un et de l'autre, j'espère qu'elle ne me condamnera pas de lui avoir fait une tromperie si innocente. » Le roi Armanos lui donna audience, l'écouta avec étonnement depuis le commencement jusqu'à la fin. En achevant, « Sire, ajouta la princesse, quoique dans notre religion les femmes s'accommodent peu de la liberté qu'ont les maris de prendre plusieurs femmes, si néanmoins votre majesté consent à donner la princesse à Yatalnefous, sa fille, en mariage au prince Kamaralzaman, je lui cède de bon cœur le rang et la qualité de reine qui lui appartient de droit et me contente du second rang. Quand cette préférence ne lui appartiendrait pas, je ne laisserai pas de la lui accorder après l'obligation que je lui ai du secret qu'elle m'a gardé avec tant de générosité. Si votre majesté s'en remet à son consentement, je l'ai déjà prévenue là-dessus et je suis caution qu'elle en sera très contente. » Le roi Armanos écouta le discours de la princesse Badour avec admiration, et quand elle eut achevé, « Mon fils, dit-il au prince Kamaralzaman en se tournant de son côté, puisque la princesse Badour, votre femme, que j'avais regardée jusqu'à présent comme mon gendre, par une tromperie dont je ne puis me plaindre, m'assure qu'elle veut bien partager votre lit avec ma fille, il ne me reste plus que de savoir si vous voulez bien l'épouser aussi, et accepter la couronne que la princesse Badour mériterait de porter toute sa vie, si elle n'aimait mieux la quitter pour l'amour de vous. » « Sire, répondit le prince Kamaralzaman, quelque passion que j'aie de revoir le roi, mon père, les obligations que j'ai à votre majesté et à la princesse Ayatalnefous sont si essentielles que je ne puis rien lui refuser. » Kamaralzaman fut proclamé roi et marié le même jour avec de grandes magnificences, et fut très satisfait de la beauté, de l'esprit et de l'amour de la princesse Ayatalnefous. Dans la suite, les deux reines continuèrent de vivre ensemble avec la même amitié et la même union qu'auparavant, et furent très satisfaites de l'égalité que le roi Kamaralzaman gardait à leur égard, en partageant son lit avec elles alternativement. Elles lui donnèrent chacune un fils la même année, presque en même temps, et la naissance des deux princes fut célébrée avec de grandes réjouissances. Kamaralzaman donna le nom d'Amjiad au premier dont la reine Badour était accouchée, et celui d'Assad à celui que la reine Ayatalnefous avait mis au monde.